Une vente, Guy de Maupassant. Les nommés Brument, Césaire Isidore et Cornu, Prosper Napoléon, comparaissaient devant la cour d'assises de la Seine inférieure sous l'inculpation de tentative d'assassinat par immersion sur la veuve Brument, épouse légitime du premier des prévenus. Les deux accusés sont assis côte à côte sur le banc traditionnel. Ce sont deux paysans. Le premier est petit, gros, avec des bras courts, des jambes courtes et une tête ronde, rouge bourgeonnante, plantée directement sur le torse, rond aussi, court aussi, sans une apparence de cou. Il est éleveur de porcs et demeure à Cacheville-la-Goupil, canton de Criquetot. Cornu, Prosper Napoléon, est maigre, de taille moyenne, avec des bras démesurés. Il a la tête de travers, une mâchoire torse, et il louche. Une blouse bleue, longue comme une chemise, lui tombe aux genoux, et ses cheveux jaunes, rares et collés sur le crâne, donnent à sa figure un air affreux. On l'a surnommé le curé, parce qu'il sait imiter dans la perfection les chants d'église et même le bruit du serpent. Ce talent attire en son café, car il est cabaretier à Criquetot, un grand nombre de clients qui préfèrent la messe à Cornu à la messe au bon Dieu. Madame Brument, assise au banc des témoins, est une maigre paysanne qui semble toujours endormie. Elle demeure immobile, les mains croisées sur les genoux, le regard fixe, l'air stupide. Le président continue l'interrogatoire. « Ainsi donc, femme Brument, ils sont entrés dans votre maison et ils vous ont jeté dans un baril plein d'eau. Dites-nous les faits par le détail. Levez-vous. » Elle se lève. Elle semble haute comme un mât avec son bonnet qui la coiffe d'une calotte blanche. Elle s'explique d'une voix traînante. J'ai cossé des haricots. V'là qu'ils entrent. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas naturels. Ils sont malicieux. Ils me guettaient comme ça, de travers, surtout Cornu. Vu qu'il louche. J'aime point aller voir ensemble, car c'est de pas grand-chose en société. Je leur dis, qu'est-ce que vous me voulez? Ils me répondent point. J'avais quasiment une méfiance. Le prévenu Brument interrompt avec vivacité la déposition et déclare, j'étais bu. Alors Cornu, se tournant vers son complice, prononce d'une voix profonde comme une note d'orgue « Dis que j'étions bu tous deux, et tu ne mentiras point. » Le président, avec sévérité, « Vous voulez dire que vous étiez ivre ?» Brument, « Ça se demande pas. » Cornu, « Ça peut arriver à tout le monde. » Le président à la victime, « Continuez votre déposition, femme Brument. » Donc, la Brument qui me dit « Veux-tu gagner 100 sous ?»« Oui, que je dis. Vu que 100 sous, ça se trouve pas dans le pas d'un cheval. » Alors il me dit « Ouvre l'œil et fais comme mai. » Et le v'là qui s'en va quérir le grand baril défoncé qui est sous la gouttière du coin. Et puis qu'il renverse, et puis qu'il l'apporte dans ma cuisine, et puis qu'il plante droit au milieu. Et puis qu'il me dit « Va quérir Dieu jusqu'à temps qu'il sera plein. » Donc, me v'là que je vais à la mare avec deux sciots et que j'apporte de l'eau et puis encore de l'eau pendant ben une heure. Vu que ce baril, il était grand comme une cuve, Sauf votre respect, monsieur le président. » Pendant ce temps-là, brûlant et cornu, il buvait un coup, et puis encore un coup, et puis encore un coup. Ils se complétaient de compagnie que je leur dis « C'est vous qui êtes plein, plus plein que ce baril. » Et v'là Brument qui me répond « Ne te tracasse point, va ton train, ton tour viendra, chacun son content. » Mais je m'occupe point de son propos, vu qu'il était bu. Quand le baril fut empli rasibus, je dis « Là, c'est fait. » Et v'là Cornu qui me donne 100 sous. Pas Brument. Cornu. C'est Cornu qui me les a donnés. Et Brument me dit « Veux-tu gagner encore 100 sous ?»« Oui, que je dis. » Vu que je suis pas accoutumé à des étrennes comme ça. Alors, il me dit « Débite. » Que je me débite? Oui, qui me dit. Jusqu'où que tu veux que je me débille? Il me dit. Si ça te dérange, garde ta chemise. Ça ne nous oppose point. 100 sous. C'est 100 sous. V'là que je me débille. Mais que ça m'allait point de me débiller devant ces deux propres à rien. J'ôte ma coiffe. Et puis mon caraco, et puis ma jupe, et puis mes sabots. Brument me dit, garde tes bas et tout, sommes bons enfants. Et Cornu qui réplique, sommes bons enfants. Donc, me v'là quasiment comme notre mère Ève. Et qu'il se lève, qu'il ne tenait plus debout tant qu'ils étaient bu, sauf votre respect, monsieur le président. Je me dis, qu'est-ce qui manigance? Et Brument dit, ça y est? Cornu dit, ça y est. Et v'là qui me prennent, Brument par la tête et Cornu par les pieds, comme on prendrait comme qui dirait un drap de lessive. Mais v'là que je gueule, et Brument me dit, t'es, misère. Et qui me lèvent au-dessus de leurs bras, et qui me piquent dans le barine qui était plein d'eau, que je n'ai eu une révolution des sangs, une glaçure jusqu'au boyau. Et Brument dit, rien que ça. Cornu dit, rien de plus. Brument dit, la tête y est point, ça compte. Cornu dit, mais y la tête. Et v'là Brument qui me pousse la tête quasiment pour me nayer, que l'eau me faufilait dans le nez et que je veillais déjà le paradis. Et v'là qui pousse, et je disparais. Et puis qu'il aura eu une peurance. Il me tire de là, il me dit, va vite te sécher, carcasse. Mais je m'en sauve, et je m'en vais courant chez monsieur le curé qui me prête une jupe sa servante, vu que j'étais en naturel. Et il va quérir maître Chicot, le garde champêtre, qui s'en va à Cricto quérir les gendarmes qui vont à la maison m'accompagnant. Là que je trouve en Brument et Cornu qui se tapaient comme deux béliers. Brument gueulait. Pas vrai, je te dis qu'il y en a au moins 1 mètre cube. C'est le moyen qui est pas bon. Cornu gueulait. 4 sios, ça fait pas quasiment 1,5 mètre cube. T'as pas ta répliquer, ça y est. Le brigadier leur y met la main sur le poil. J'ai plus rien. Elle s'assit. Le public riait. Les jurés stupéfaits se regardaient. Le président prononça. Prévenu Cornu, vous paraissez être l'instigateur de cette infâme machination. Expliquez-vous. Et Cornu, à son tour, se leva. Mon président, j'ai dû en but. Le président répliqua gravement. Je le sais. Continuez. J'y vais. Donc, Brument vint à mon établissement vers les 9 heures, et il se fit servir 2 fils en 10, et il me dit, « Il y en a pour toi, Cornu. » et je m'assieds vis-à-vis et je bois. Et, par politesse, j'en offre un autre. Alors, il a réitéré, et moi aussi, si bien que de fil en fil, vers midi, nous étions toisés. Alors, Brumand se met à pleurer. Ça m'attendrit. Je lui demande ce qu'il a. Il me dit « Il me faut 1 000 francs pour jeudi. » Là-dessus, je deviens froid, vous comprenez? Et il me propose à brûle tout le foin. Je demande ma femme. J'étais bu. Et je suis veuf. Vous comprenez? Ça me remue. Je ne la connaissais point, sa femme. Mais une femme, c'est une femme, n'est-ce pas? Je lui demande. Combien ça que tu me la vends? Il réfléchit, ou bien il fait semblant. Quand on est bu, on n'est pas clair. Et il me répond. Je te la vends en mètre cube. Moi, ça ne m'étonne pas, vu que j'étais autant bu que lui, et que le mètre cube, ça me connaît dans mon métier. Ça fait 1 000 litres. Ça m'allait. Seulement, le prix restait à débattre. Tout dépend de la qualité. Et je lui dis, combien ça le mètre cube? Il me répond, 2 000 francs. Je fais un saut comme un lapin. Et puis, je réfléchis qu'une femme, ça ne doit pas mesurer plus de 300 litres. Je lui dis tout de même, c'est trop cher. Il répond, je peux pas, à moins. J'y perdrai, vous comprenez. On n'est pas marchand de cochons pour rien. On connaît son métier. Mais si les ficelles le vendent de l'art, moi je suis fil, vu que j'en vends. Donc je lui dis, si elle était neuve, je dis pas, mais à ta servi, pas vrai? C'est donc du retour. Je t'en donne 1500 francs le mètre cube, pas un sou de plus. Ça va-t-il? Il répond, ça va, top là. Je tope et nous voilà partis bras dessus, bras dessous. Faut bien qu'on s'entraide dans la vie. Mais Hunter me vint. Comment que tu vas la litrer à moins de la mettre en liquide? Alors il m'explique son idée, pas sans peine, vu qu'il était bu. Il me dit, je prends un baril, je l'emplis d'eau rasibus. Je la mets dedans. Tout ce qui sortira d'eau, je le mesurerai, ça fait le compte. Je lui dis, c'est vu, c'est compris, mais cette eau qui sortira accoulera. Comment que tu feras pour la reprendre? Alors il me traite d'andouille et il m'explique qu'il n'aura qu'à remplir le baril du déficit une fois que sa femme en sera partie. Tout ce qu'on remettra d'eau, ça fera la mesure. Je suppose 10 seaux. Ça donne 1 mètre cube. Il n'est pas bête tout de même quand il est bu de Roselin. Bref, nous voilà chez lui et je contemple la particulière. Pour une belle femme, c'est pas une belle femme. Tout le monde peut le voir, vu que la voilà. Je me dis, j'y refais. N'importe, ça compte. Belle ou laide, ça fait pas moins de même usage. Pas vrai, monsieur le président? Et puis, je constate qu'elle est maigre comme une gaule. Je me dis, il n'y en a pas 400 litres. Je m'y connais, étant dans les liquides. L'opération, elle vous l'a dite. J'y avons même laissé les bas et la chemise, à mon détriment. Quand ça fut fait, voilà qu'elle se sauve. Je dis, attention, Brumand, elle s'écape. Il réplique, ah, pas peur, je la rattraperai toujours. Faudra bien qu'elle revienne gîter. J'allons mesurer le déficit. Je mesurons, pas 4 seaux. Le prévenu se met à rire avec tant de persistance qu'un gendarme est obligé de lui taper dans le dos. S'étant calmé, il reprend. Bref, Brumand déclare, rien ne fait. C'est pas assez. Moi, je gueule. Il gueule, je surgueule, il tape, je cogne. Ça dure autant que le jugement dernier, vu que j'étais au but. V'là les gendarmes. Ils nous sacréhendent. Ils nous carottent en prison. Je demande des dommages. » Il s'assit. Brumand déclara vrai en tout point les aveux de son complice. Le jury, consterné, se retira pour délibérer. Il revint au bout d'une heure et acquitta les prévenus avec des considérants sévères appuyés sur la majesté du mariage et établissant la délimitation précise des transactions commerciales. Brumand s'achemina en compagnie de son épouse vers le domicile conjugal. Cornu retourna à son commerce.